Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut, c'est Eve Landry. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi, en compagnie de... Voyons... De Mathieu Bouillon. Hello! Hello! Alors, je vous explique rapidement. Des fois, c'est difficile de se voir. Donc, ouais. Voici une première... mondial, un dialogue, pas de problème. Ouais. C'est une balado diffusion. Oh! Yes! Ah, donc, Mathieu et moi étions disponibles, donc ouais. On en fait un, hein, juste pour dire qu'on est là pour vous. Ouais. Ben, on le sait qu'à nous, vous écoutez le podcast juste pour nous deux. Voilà. Pour les répliques de Mathieu et mes réactions aux répliques de Mathieu. Non, tes solutions créatives et ma façon de ralentir le brainstorm. Oui. OK. Cette semaine, j'ai l'impression, Mathieu, que c'est toi qui va nous aider. Oui. Mais juste avant, j'aimerais dire, c'est quoi pas de problème? Eh bien, c'est... aujourd'hui, c'est deux experts en rien ouais. Qui s'improvisent experts en tout. Le temps de vous donner plusieurs solutions à un problème donné. Et le problème, cette semaine, nous vient de Twitter, de Vincent Charron, a.k.a. Kid Jesus. Vincent Gratton? Charron. Ah, j'ai-tu dit Gratton? Non. Non. OK. Parfait. C'est parti. Oui. Hein? Vincent Charron, vous faites comme lui, hein? Envoyez-nous vos problèmes via Twitter, Facebook ou podproblème@gmail.com. Nous envoyez « J'ai fait une blague méchante sur les témoins de Jéhovah avec une amie et elle ne veut plus me parler parce que sa tante l'est. » Donc, sa tante en est une. Je veux pas croire qu'un problème aussi croustillant, on le fait à deux. Il est tellement bon. Ben écoute, si on sent qu'il y a besoin d'un volet 2, on le lancera à nos amis ou on le fera peut-être... Oui, à 4 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. On fera un wrap-up à un autre... problème. C'est tellement bon ce problème-là. Là. Donc, moi, en fait, je me pose la question à quelle était la blague méchante? Parce que toi, t'es capable d'en faire... Témoin de Jéhovah, complètement. Moi, j'oublie si c'est une idée de sketch ou si c'est quelqu'un qui m'a conté ça pour vrai. C'est l'idée qu'un témoin de Jéhovah s'incruste chez toi en te demandant d'aller faire caca. Tu sais, mettons, ils sont deux à cogner chez vous, là. Oui, bonjour. Oui, on est témoin de Jéhovah. Je m'excuse, c'est un peu gênant de demander. Mon collègue ici, bonjour, a vraiment envie de caca. Qu'est-ce que ça dérange qu'il aille faire caca chez vous? OK. Fait que là, l'autre va faire caca pendant, mettons, 15 à 30 minutes. Okay. Pendant ce temps-là, l'autre témoin de Jéhovah qui reste avec toi te convainc de lire, tu sais, tour de garde ou... T'sais. Ok, ça a-tu été fait? Non, mais t'en as entendu parler, toi? Oui, soit genre un gag soit ou. Soit un gag ou soit la vérité. Mais tu sais, dans les deux cas, je trouve ça là, parfait, tu sais. Ouais. Mais quelle blague. C'est ça, les témoins de Jéhovah, moi, ce que j'en connais, c'est qu'ils cognent tôt le matin chez toi pour te donner réveillez-vous. Oui. Ou tour de garde. Tour de garde. Ouais. Et témoin de Jéhovah, c'est plus quoi? C'est quelle branche de, c'est, de religion, ça? C'est pas Church of the Latter Saints, là, ça, c'est Latter les Saints, ouais, ça, c'est les Mormons. Les Mormons. Mais les Mormons font un peu ça, là. Les autres, en petite manche courte. Ouais. Tu sais, c'est des gens qui sont très parfaits physiquement, comme moralement. Des gens qui n'acceptent pas les transfusions de sang. OK. Des gens qui ne célèbrent pas leur anniversaire. OK. Parce qu'on est tous égaux là-dedans. T'sais. Là, on fait pas de recherche Internet, là. Juste pour vous avertir, prenez-nous pas au mot. Moi, je tiens ça du gars qui s'appelait Guillaume, là, qui est devenu infirmier là, dans mon groupe au secondaire. Je pensais. Dans Trauma. Dans Trauma, ils en ont parlé. Ouais. Non, il est devenu infirmier. Oui. Dans Trauma. Dans Trauma, parce que c'était le seul infirmerie qui avait le droit. Mais, ouais. OK. Oui. Mais quelle blague. Ça cogne. Ah, oui, Tour de marde. Tu sais, voulez-vous lire la revue Tour de marde? Eh, ça, là, ça fait chier l'attente de mon ami. Ah, oui. OK. Non, OK. Bon, là. Il veut quoi? Il veut que son ami ne veut plus lui parler parce que sa tante est témoin de Jéhovah. Quoi? Moi, j'ai peut-être une première solution. Oui, ouais, je t'écoute. Parce que moi, des fois, tu sais, ma mère travaillait dans les caisses des jardins. Mm. Et je ne sais pas c'est quoi le lien secret, là, comme, un peu comme une société secrète, là, mais les caisses des jardins recevaient toujours les revues Réveillez-vous et Tour de garde. Okay. Fait que ça traînait toujours chez nous, même si on n'est pas témoin de Jéhovah. T'sais. Fait que j'ai lu énormément de ces revues-là. Okay. Puis je trouve que la façon genre d'approcher les problèmes moraux, éthiques, est toujours très inclusive. T'sais, ça fait jamais comme nous, les témoins de Jéhovah, nous pensons ça. T'sais, c'est toujours un petit peu... Ils partent un peu d'une citation biblique, mais après ça, souvent, ils extrapolent. Ouais. Il y a vraiment moyen de trouver son compte dans ces revues-là. Donc, okay. Premier conseil, moi, ce serait, nourris-toi à même ces revues-là. Ouais. C'est de la nourriture spirituelle qui est intéressante. Puis en voyant la tente de ton ami, là, en voyant que tu te nourris de ça, va pouvoir établir un dialogue de réconciliation avec toi. C'est pas bien, pas bien. Ouais. Oui, c'est ça, connais ton ennemi. Oui. Non, mais. Même, ou si tu vois que sa chum, là, elle semble respectueuse des religions. Oui. Hein? Lui dire que toi, tu fais partie d'une religion où tu dois. Le classique des chips aux enregistrements. Oui. Tu peux en manger tantôt par. En souvenir de l'époque oui. Où tu mangeais des chips. Cybèle va chialer. Non, mais c'est ça. Tu lui dire que toi, tu fais partie d'une religion où tu dois faire des blagues sur oui. Les autres religions et tu t'en excuses. Oui. Et là, on va peut-être péter un plomb parce que là, ça va faire comme un paradoxe interne. Oui. Mais je dois respecter toutes les religions. Mais là, oui, elle va se rendre compte de la vérité là-dedans. Oui, oui. Ouais. Mais sa tante, elle doit être proche de sa tante. Oui. Mais tu sais, dans sa tante, là, ouais. Tu me vois venir, hein? Sa tante. Enlève tes E. Satan. Satan. Satan. Satan. Peut-être que sa tante, c'est Satan. Ouais, ouais, ouais. Sa tante l'Est. Sa tante de l'Est. Non, Satan de l'Est. N'importe quoi. Ouais. Non, mais une blague méchante. Ouais, mais c'est ça. Mais... Moi, je vois difficilement c'est quoi les blagues méchantes de Témoins de Jéhovah mais en 2014. Mais attends, t'sais, tu l'attestes avec d'autres blagues méchantes pour d'autres... Religions et ou sphères de la société. Ouais. Et là, quand Harry solide, tu fais « Hey, mon oncle, il est telle affaire. » Oui! Et là, tu... Hey pour eux. On est égal. Ouais. On repart sur des bases nouvelles. T'as ri de mon oncle mécanicien. J'ai vu ta tante, témoin de Jéhovah. Ouais. Moi, c'est pas mon oncle. C'est mon père. Ah ouais, encore pire. Ouais, c'est ça. Ça sent mal. Ouais. Ça. Mais peut-être aller rencontrer sa tante. Probablement que sa tante est moins stock-up. Oui. Mais oui. Mais tu vois, on les prend les blagues. Et si tu veux en parler, viens chez moi. Nous allons en parler. Oui. Tour de garde. Réveillez-vous. C'est des belles lectures. Ouais. Ouais. Tu sais, ce qui est un peu embêtant avec les témoins de Jéhovah, on va se le dire, là. Moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est leur vision du jugement dernier dans laquelle on atteint un paradis en même temps que nos animaux de compagnie. Aussi. Pour vrai? Tu sais, quand tu vois le... T'as vraiment lu tout ça? Moi, là... C'est eux autres de Rapture? Non, c'est les non, protestants. Non, c'est moins eux. Ouais. Ils sont moins de Rapture, eux autres. Hey, attends, là, je vais googler ça, là, parce que ça vaut la peine. Oui. Oui, tu sais, je sais pas pourquoi, à Rimouski, là, mettons, là, quand j'étais plus jeune, il y a un grand bassin de témoins de Jéhovah, tu sais. D'ailleurs, dans l'émission Community, le personnage de... Ah, comment il s'appelle? Le Black Cool, là? Oui. Pas Trevor, là, mais... Non, mais il est... Ouais. Lui, c'est ça. Là, lui est témoin de Jéhovah, là, fait qu'il y a souvent des blagues de témoin de Jéhovah. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. Il dit qu'il avait jamais vu vécu un Thanksgiving. Ouais. Ni son anniversaire, ni Noël. Ça, pas vraiment... Les témoins de Jéhovah forment un mouvement pré-millénariste et restaurationniste se réclamant du christianisme. Mm. OK, donc, c'est ça, là. Ils sont issus d'un groupe né aux États-Unis dans les années 1870, connu sous le nom d'étudiants de la Bible. Oh. Ah, c'est ça, là. Tu sais, c'est... À force de lire la Bible, là, tu... Ouais, ils sont à fond dedans. Tu l'interprètes de plein de façons. Là. En 2013, le mouvement revendique... Excusez-moi hein, si je suis pas respectueux envers les religions. Je... Lui est très athée, Fred. Hein? Je suis pas tant athée qu'agnostique. Ça veut dire que tu donnes de la foi dans ton frigidaire? Exact. Non, mais athée, c'est que tu crois qu'il n'y a rien. OK. Agnostique, c'est que je ne sais pas. OK. Oh, j'aime mieux ça, moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ouais. Moi, c'est, vous c'est savez. Ce que j'en ai compris. Moi, je vous le savais, je suis de confession catholique. Ben, moi aussi. Mais moi, plus que Fred. Moi, je vais aller, malgré tous les agissements que j'ai faits dans ma vie, je vais aller au paradis. Moi, je pense que tu y crois pas vraiment. Non! Parce que sinon. Il y a des choses que tu ferais pas. Il y a des choses que je fais qui vont venir en enfer. Attends, 19,3 millions de personnes pratiquants et sympathisants confondus ont assisté à leur célébration. Ok, attends une minute. Excusez-moi, là, je lis en même temps. Ouais. Société Watchtower, tour de garde, réveillez-vous. C'est quoi réveillez-vous en anglais? Wake up! J'imagine. Donne du speed au monde. Témoins de Jéhovah sont connus principalement pour leur prédication de porte-à-porte. Ouais. Ouais, l'importance qu'ils donnent à la Bible, qu'ils considèrent comme la parole de Dieu. Mm. Ouais, c'est ça. OK. C'est qu'ils manquent de recul aussi. Peut-être que... Attends. Ils annoncent depuis les années 1870 l'intervention imminente de Dieu dans les affaires humaines lors de la bataille d'Armageddon. Et ils ont pour objectif... Ouais. L'établissement du royaume de Dieu sur terre. OK, bon, c'est... boom! C'est un peu intense. Oui, oui. Mais ils veulent vraiment la paix, ces gens-là. C'est vraiment pas des gens qui... Ils prennent pas la religion, selon moi, en tout cas, comme une arme destructive, là, tu sais. Ils veulent qu'on vive en paix ensemble dans des drapés Marie-Saint-Pierre. C'est pas la première fois que tu dis ça. Non, mais, c'est vrai. En même temps, je peux comprendre, si t'es convaincu de quelque chose là qui est bon pour tout le monde, ouais. Ben tu sais, c'est ça. Je vais aller cogner aux portes, je vais le dire aux autres, je peux pas croire que. Puis je vais le faire jusqu'à temps qu'on l'ait, là. Oui, oui. Parce que c'est vrai, c'est bon pour tout le monde. Leur doctrine, les témoins de Jéhovah, c'est inclusif, c'est positif. T'sais. Oui, oui. Mais tu sais, ouais. Même lorsqu'il y a un prognostic, tu sais, là, je sais qu'on parle à tous avec des geeks, là. Tout le monde va être fâché là, de ce podcast-là. Non, mais création du mouvement par Russell. Les témoins de Jéhovah sont issus d'un mouvement connu sous le nom d'étudiants de la Bible qui a lentement pris forme. Ah bon, j'ai tout dit ça. Sous l'impulsion de Charles Taze Russell. Mm. Celui-ci est d'abord influencé par le prêcheur adventiste Jonas Wendell. OK, bon, on s'en fout. Là, on dirait des noms de films. Ouais, hein? C'est peut-être parce que j'ai prononcé Jonas Wendell. Jonas Wendell. Charles Taze Russell. Nelson Barbour. Ouais, c'est qui, Nelson Barbour? C'est un film de Jerry Bruckheimer. Ouais. Ouais. Mais si on en revient à la blague méchante, là. Oui, oui, oui, excusez. Nous, dans la vie, on a tous connu le fait de faire des blagues qui n'ont pas passé. Puis comment qu'on a pu se pardonner, c'est en s'excusant. Toi, t'en as fait souvent. Moi, tu trouves que j'en ai fait souvent? Ben, attends, il me semble... Juste en arrivant chez vous, tu dis... Je t'ai traité de petit pénis doux. Ouais. Et tu sais que mon oncle a un petit pénis doux. Si quelqu'un le sait, c'est bien moi. Non, oui, des fois, là, tu sais, l'humour, là, on le sait comment ça parle. Tu sais, des fois, là, même à l'écrit aussi, là. Ouais, ouais, ouais. On se dit, là, tu sais, oh, là, on est emporté par l'envie de faire une blague. L'orgueil est là, puis c'est là qu'on va trop loin. Fait que les excuses ouais, sincères ouais, vont toujours être correctes pour désamorcer une blague méchante. Surtout pour des gens religieux. Oui. Le pardon. Ça, c'est bon. Puis ça fait vraiment partie de la Bible de Jéhovah, là. Je suis désolé, je sais pas pensé. Ouais. Mais c'est une hostie de bonne blague. Ouais. Hey, on veut la savoir. Please, on veut la savoir. Hey, il y a aussi, là, j'allais nommer... Puis en plus, lui, son nom de Twitter, c'est Kid Jesus. My God, ça a pu monter, là, ouais. En flèche. Fred, nomme-moi le film le plus connu dans lequel on fait mention de Jéhovah. Attends une minute. Tu le sais. Pourquoi j'ai envie de dire Jerry Maguire? Non, c'est plus... c'est un rapport à la religion. Il dit pas « Show me de Jéhovah » Ah non! Ah, c'est le mélange entre money et... Il épelle le mot « Jéhovah » même. Et il manque de mourir parce qu'il n'a pas bien la première lettre. Ah, c'est Moïse? Non, voyons... En hébreu, Jéhovah prend un « Yé ». Hein? Tu le sais, Fred. Elle est à nous, Indy. OK, Indiana Jones. Le nom de Dieu, c'est le premier test qui passe dans la dernière croisade. Ah oui, le troisième. Oui. Donc, le troisième, premier test qu'il passe pour accéder au Graal, c'est de nommer le nom de Dieu, qui, selon, en tout cas, ces écrits-là, même, ce sont les mêmes écrits qui font que moi, je serais descendant de Jésus, d'ailleurs. Là. Ah, t'es descendant de Jésus? Oui. J'ai déjà compté ça 1000 fois, je pense, dans le podcast. Non. Là. Que moi, selon le Da Vinci Code, okay. Godefroy de Bouillon, c'est un mérovingien, c'est-à-dire un fils de Jésus. Ouais. Et moi, mon premier ancêtre Bouillon au Québec, Jacques Bouillon, se targuait d'être descendant de Godefroy de Bouillon. Quoi? Fait que si, mettons, comme, tu sais, il y a peu de chance, mais si tout ça est vrai, mettons, là, moi, là, je serais descendant direct de Jésus. Ce qui expliquerait tellement de choses. Ouais, mais tu sais, les une photocopieuse, là. Ouais. Là-dessus. Tu prends une belle photo, là, puis t'as fait photocopier. Puis là, tu prends la photocopie, tu t'as fait photocopier. Ouais. Et ainsi de suite, pendant plusieurs générations. Ouais. À la fin, là, la photo, elle ressemble plus à rien. Non, mais à la fin, la photo, dit peut-être que je suis descendant de Jésus. La parcelle de vérité qui reste de ça. Tu sais que je suis descendant de Jésus. Moi, je serais descendant de Marie-Madeleine. Ben, peut-être. Toi, t'es italien là, dans tes gènes. Là, ouais. Eux autres, là, les gens là, de péché sont allés vers le sud. Je suis italien, mais ça a dû se mélanger pas mal sur ces continents-là. Hey, on s'égare. Oui, mais en tout cas... J'ai fait une blague méchante sur les témoins de Jéhovah. Bon, fais-en plus, premièrement, devant ton ami. Ouais. Puis après... va voir sa tante, puis fais-y dans face. Pour qu'elle sache ce que t'as dit. Ouais. Ouais. Peut-être écrire... En rotant. Oui. Tu sais quoi la différence entre... Moi, j'ai craché ma chip. Peut-être d'écrire des blagues sur sa propre confession aussi. T'sais. Oui. Mettons, toi, t'es catholique ou t'es bouddhiste, là. Mais tu sais, faire des blagues sur ça, puis comme... Tiens, prends-en une! T'as offusqué? Prends-en une! Regarde, tu sais, comme... On peut rire de tout, là, avec le sourire. Un peu des petites cartes, là, comme tout le monde en parle, tu sais. Oui! Tiens, prends-en une! Fais-en une sur ma confession. Puis là, il dit ça, là, tu sais. Les bouddhistes puent du bat. Ah là, c'est pas drôle, ça, Mathieu. Non! Parce que ma tante... Ta tante? Est bouddhiste. Attends, non. Est boudinée? Non. Elle travaille à Repro UQAM. Ma tante puis Lisa Simpson. Oui. Grâce à Richard Gere. C'est vrai. OK. Moi, je... Attends, je fais une blague méchante sur les témoins de Jéhovah. Mais, sincèrement, il n'y a rien que la lecture de Tour de garde et Réveillez-vous ne peut pas régler. En même temps, Vincent, là, tu le dis, blague méchante. Là. Ouais. Tu fais... Tu sais à quoi tu t'attends quand tu fais ça. T'essaies, tu veux une réaction un peu, là. Ouais. Tu sais, on le sait. Est-ce que tu veux plus faire réagir les gens alentour? Ça sort d'où, tout ça, là? Tu sais, quand tu sors un call méchant sur une personne qui a déjà refusé une transfusion de sang, mettons, là, tu sais que t'es en eau sensible, là. Tu sais, comme... Des gens qui ont voulu mourir pour leur foi, mettons. Là, ouais, c'est... Ouais. C'est ça, les témoins de Jéhovah, là, tu sais. Ouais. Fait que sois smart avec eux autres. Ouais. Mais mettons que tu moi, j'ai la foi ouais. de dire que qui est témoin de Jéhovah, c'est n'importe quoi. Est-ce que je devrais aller porte à porte, dire « Hey, êtes-vous témoin de Jéhovah? » Non. Ah, désolé. Puis là, jusqu'à temps que j'en trouve un, puis je sais, hey, j'aimerais ça t'expliquer que c'est pas bon ce que tu fais. Puis... Ouais. Tant qu'à ça, t'es mieux de mettre une bombe, je pense, dans le la Church of Latter Saints, de Lorimier Maisonneuve, là. Tu sais, il y a ça, hein? Ah ouais? C'est comme profond, creux, là, tu sais. Ouais. T'es déjà allé? Non. Mais, voyons, les voyons. L'anthologie? Hey, ça, Papineau, ça mérite des blagues. Ça mérite des blagues, là. Ben, Chris, ils n'ont pas besoin de nous autres faire des blagues, là. T'as vu John Travolta aux derniers Oscars, là? Non, j'ai pas vu. Quand il présentait, là, Idina Menzel, là, la chanteuse. Ouais. Puis là, il a dit, please welcome the wickedly talented Adele Dazeem. Mais son nom, c'est Idina Menzel. T'as pas vu ça, Fred? C'est l'affaire la plus drôle du monde. Non, j'ai pas vu ça. Hey, please welcome the wickedly talented Adele Dazeem. Hein, vous autres, c'est sûr vous avez vu ça, là. Hein? Ça a fait le tour, là. Mm. En as-tu d'autres solutions? On a changé nos fois. Oui. Ouais. Tu sais, comme dire, OK, j'ai mais manqué le respect. Il accepte pas les transfusions. Ah! Très fort. Non, mais tu sais, comme te dire, OK, pendant quelques jours, je serai de confession, témoin de Jéhovah, toi, soit agnostique, on verra comme qui a été plus heureux pendant ces quelques journées. Moi, Vincent, un dessin. Mm-hmm. Ça apaise toujours. Ouais. Ouais, un beau dessin de toi et de elle, main dans la main, avec leur tante. Peut-être même dans un cahier de catéchèse, tu sais, avec le dessin du poisson. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ça se fait encore, ces cahiers-là. Hein? J'en ai, je pense, chez nous. Ah oui? Ouais. Ton garçon ou toi? Moi. Ouais. Ah oui. Wow. Ou passer des années à peut-être prouver le contraire. Mm. chercher dans les écrits, là. Ouais. La même médecine, là, servir au Jéhovah, là. Ouais. Genre, non, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Regardez, Jacob. Regardez le vrai route. Oui, a dit, tu recevras le sang de ton frère en toi. Et, mais quand il parlait du frère, c'était... Le frêne. Un arbre. Oui. Je sais pas. C'est une faute de frappe. C'est une faute de frappe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben. Évidemment, moi, dans mes préférés, là, c'est. Ah, j'ai ça quand je prends. C'est pas mes préférés, ça, de s'excuser. Ouais. Il me semble que c'est la plus plausible. Dans ce cas-ci, c'est ça. Ouais. Mais. Ouais. Va voir la tante. Ouais. C'est ça, ma préférée. Mm. Puis moi, je vais juste bonifier sa solution. C'est que à la lecture de 3 éditions de Tour de garde ou de Réveillez-vous, c'est sûr que tu vas trouver les mots bibliques pour mettre des émotions sur tes excuses, tu sais. C'est sûr que tu vas trouver. C'est toujours plein de ressources, ces magazines-là. Des fois, dans les taxis, tu lis ça avant ta journée, puis tu as une belle journée où tu es ouvert sur les autres parce que tu as lu Tour de garde, tu sais. Mm. Puis, il y a quand même des entrevues avec nos vedettes aussi là-dedans. Hein? T'as pas lu, hein? Non. Mais c'est comme, mettons, genre, Annie Brocoli, un quotidien ensoleillé. Puis là, elle va dire, mettons, ouais. Annie Brocoli peut dire, je ne suis pas de confession témoin de Jéhovah. Par contre, je laisse une place à la spiritualité dans ma vie. Puis c'est vraiment... Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis que c'est inclusif, ces magazines-là. Ouais, c'est ouais. Très inspirant. Puis je vais jamais chier sur ces magazines-là. Puis à la fin, il y a toujours... L'histoire du père Gédéon, quelque chose comme ça, qui est toujours un conte de l'ancien temps québécois, là, pour nous rallier à ça un peu. Là. Fait que je vais arrêter, là. J'ai l'impression que ça fait 45 minutes que je vais à Tour de garde, là, mais lisez ça, puis ça va vous faire du bien. Ben, en tout cas, complètement assumer devenir témoin de Jéhovah, on l'a pas dit, hein? Non. Tu sais, puis... faire un film avec Charles Taylor Russell, Nelson Barber, Jonas Wendell, et Adele de Zim. Adele de Zim. Oh wow, c'est parfait. Ouais. Hey, si vous n'avez des solutions, écrivez-nous. Et vos problèmes aussi. Oui. Écrivez-nous vos problèmes et vos solutions. Oui. Ou envoyez-nous tout ça par courriel à podproblème@gmail.com. Mm-hmm. N'oubliez pas de nous écrire un petit commentaire sur iTunes et nous faire voter 5 ou rien. Hey, parce que ça va bien. Là. Selon des calculs, on serait deuxième vrai podcast francophone. Là. Ben non, il a dit que le premier c'était par quatre chemins. Ça compte pas, ça. Mais ça compte pas, c'est une émission de radio. Par quatre sourcils. On serait donc premier podcast francophone? Par quatre sourcils. Oui, on est premier! Wow! Francophone, culture et société. Chris, on n'a jamais cru, là. Puis là, on y est. Bon, évidemment, c'est écrit en 142e position. Ouais, mais si tu comptes, là. Mais si t'enlèves toutes les émissions de radio, puis les francophones, c'est nous autres. C'est nous autres. Je suis très fier de ça, moi. Un accomplissement. Mm-hmm. Merci, Jéhovah, d'avoir écrit ma prière. Jéhovah, oui. Merci, Jojoba, Alfafa, je le douche. oui. Aussi, n'hésitez pas à venir voir la Lime les dimanches soirs au Lion d'Or. Ça achève, là. Venez et voir puis, ça. Suivez-nous! Hein? Sur Twitter, Facebook. Hein? L'été s'en vient, là. C'est tellement fun sur les terrasses, notre petit programme. Hein? C'est le fun d'écouter ça au soleil. Là. Ouais! Parlez-en, des amis. Oui. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je mange des chips maintenant. Je vous aime, gang! C'est drôle que tu parles à mon ordinateur. Oui, quand c'est là-dedans qu'il faudrait que je parle. Là. Je vous aime, gang! I will kill you. Hey, qui... Voyons, Jéhovah, qu'est-ce que tu fais là? Non. Le mot de la fin, Mathieu. Vous avez un problème, nous avons un podcast. I will kill you.